sur leur sort quand on passe aussi cela. Ils font la peine à leur en pas quand à l'école ça ne marche pas. 3 mai, combien d'enfants reçoivent l'amour d'une famille saine et unie, sans haine ni infamie. Enfants du monde, ton écho face à la souffrance, mais dans l'air résonne des mots sans différence. Malheur, pauvreté, famine, brutalité, la liste est longue, mais pour leur avenir nous devons les protéger. À tous ces gosses, à tous ces mômes, à tous ces enfants qui sont dans la zone, je dis de toutes mes forces que l'avenir est leur chance pour qu'ils changent la donne. À tous ces gosses, à tous ces mômes, à tous ces enfants qui sont dans la zone, je dis de toutes mes forces que l'avenir est leur chance pour qu'ils changent la donne. C'est pour les enfants du monde et pour toute leur souffrance, il faut qu'ils nous pardonnent. Père, aujourd'hui ma vision s'élargit. L'avenir sera dur, mais ça tout le monde le sait aussi. Aujourd'hui ici, y a des enfants esclaves et c'est ainsi qu'on a servi des gosses pour satisfaire les pervertis, criminels impunis, pédophilie de la Thaïlande jusqu'à Philadelphie. Enfants violés, y'a pas de philosophie. C'est toi le minot qu'on vend pour assouvir l'envie des esprits remplis de ce vie. Dans cette atmosphère moisie, tu survis quand ton père frappe sous prétexte qu'il sévit. Quand tes parents picolent et qu'ils t'oublient, lorsque tu comptes moins que cette taille de whisky, c'est ton innocence qu'on salit de jour comme de nuit. C'est ton enfance qu'on a détruit. À tous ces gosses, à tous ces mômes, à tous ces enfants qui sont dans la zone, je dis de toutes mes forces que l'avenir est leur chance pour qu'ils changent la donne. À tous ces gosses, à tous ces mômes, à tous ces enfants qui sont dans la zone, je dis de toutes mes forces que l'avenir est leur chance pour qu'ils changent la donne. C'est pour les enfants du monde et pour toute leur souffrance, il faut qu'ils nous pardonnent. Mélodie, c'est juste une simple mélodie pour les enfants, qu'ils soient aisés ou démunis, car rien ne leur lèvera la raison d'être là. Rien ni personne ne pourra me contredire sur cela. Je remercie leurs sourires qui chaque jour embellissent nos vies, de leurs yeux carquillés par le simple désir de vivre. Merci d'apporter tant de joie, de bonheur dans ce monde de terreur que l'homme a mis en œuvre. Pour leur âme, pour leurs pleurs, mes mines s'écrasent, réveillent les mœurs. Trop d'enfants naissent au pays des morts, vous épidémies, fichent des corps. Pour leur âme, pour leurs pleurs, mes mines s'écrasent, réveillent les mœurs. Trop d'enfants naissent au pays des morts, vous épidémies, fichent des corps. Quelques minutes au micro, quelques mots pour les minots. Quand les larmes humectent de mon stylo, studieux sur le sujet, je reste sérieux. Celle-ci va pour tous ceux et toutes celles qui vivent malheureux lorsque la vie est cruelle et qu'elle n'est plus un jeu. Quand il n'y a plus de joie que de la peine dans leurs yeux, c'est pour les gosses aux mains salies par la haine qui traînent dans les bidonvilles abandonnées à eux-mêmes. Pour ceux qui n'ont jamais entendu je t'aime, pour ceux qu'on laisse traîner dans la rue, enfants violés, enfants battus, ceux qu'on exploite et ceux qu'on tue. À tous ces gosses, à tous ces mômes, à tous ces enfants qui sont dans la zone, je dis de toutes mes forces que l'avenir est leur chance pour qu'ils changent la donne. À tous ces gosses, à tous ces mômes, à tous ces enfants qui sont dans la zone, je dis de toutes mes forces que l'avenir est leur chance pour qu'ils changent la donne. À tous ces gosses, à tous ces mômes, à tous ces enfants qui sont dans la zone, je dis de toutes mes forces que l'avenir est leur chance pour qu'ils changent la donne. À tous ces gosses, à tous ces mômes, à tous ces enfants qui sont dans la zone, je dis de toutes mes forces que l'avenir est leur chance pour qu'ils changent la donne. C'est pour les enfants du monde et pour toute la souffrance, il faut qu'ils nous pardonnent. Et pour toute la souffrance, il faut qu'ils nous pardonnent.